Enfant de la lune, on vient de là où il y a trop de brume. Nos rêves se brisent, là où la route est floue. Grandir contre cœur, là où on se nourrit tranquille. Bienvenue de là où l'espoir se consume. Ville là où les cafards ont des buildings. Là où Otis pousse ma mère à faire du building. Là où les petits ne vont plus en classe, passent leur temps à rouler et avancent avec un joint de culasse. La routine comme seul passe-temps. Là où les flics te passent les menottes à chaque fois que tu tues le temps. Là où on serre la ceinture pour être bien sapé. Là où on préfère être ses pequeños que Bouscapé. Là où des Ronaldinho se plaisent avant d'être pro. Là où la colo s'appelle mandat dépôt. Là où l'alcool sert à se noyer. Là où on croit que l'amour n'est qu'un mouvement de poignet. Là où la guine fait la bise en faisant les poches. Là où pour s'enterrer nos dualités servent de pioche. Chez nous le sourire est mal agrippé à nos lèvres. Et nos virées en moto se transforment en cortège funèbre. Sueur froide, c'est parce que les gens ont changé qu'on se parle plus. Qu'on communique avec tant de choses sauf avec la bouche. Le disque, la seule langue en quoi je pourrais vous parler. Sans vie, spin-up, bien sûr sans pourparler. On est la couche qui sépare la maigreur de l'obésité. Car on est entre Zola et on sait pas ce qu'on veut. Être un vaillant ici ou de l'autre côté. Les titulaires de la bêtise sont mis en touche. Tu sais, ici les jeunes tombent en même temps que la nuit. Si nos histoires t'ennuient, tant pis, on fait que dire ce qu'on vit. Tu crois savoir comment c'est dur ici. Si tu savais vraiment, ignorant ce qu'on vit. Tu sais, ici les jeunes tombent en même temps que la nuit. Si nos histoires t'ennuient, tant pis, on fait que dire ce qu'on vit. L'amour nous course, sans prendre caddie. Si tu savais vraiment, ignorant le temps nous fuit. J'ai pourtant crié tout haut ce que certains pensaient tout bas. Tu sais, durer la vision de voir comme un oiseau d'en bas. Dur de planer sans l'effet de l'herbe et le shit. Tout comme mes gars, amateurs de grosses caisses et de parties de chatte. Malgré mes défauts, je reste celui qui défie les défauts de la vie. Je te parle du système et de ceux qui l'ennuient. Je te parle des maillons faibles qui haussent le temps. Avance avec le temps comme ces feuilles mortes où se dirige le vent. Je remercie le bon Dieu d'être encore vivant. Malgré des coups assez chers qui allaient me coûter la vie mes 10 ans. Je suis de ceux qui dérègle le système H24, qui hache les mots de la politesse, les recrache et qui emplâtre. De cette génération décidément non clean, fan de Fight Club, je mise seulement quand les billets s'alignent. Au fait, je souligne l'amertume que j'ai quand je vois mes parents, car sont les seuls devant lesquels je m'aligne. Écoute, je vais pas me confesser, car tu pourrais pas me répondre. Autour de moi, t'es juste la seule fréquence qui peut capter mes ondes. Veille sur mes gars, en attendant que je sorte, c'est même Rough Rider, pilote d'Air 6 et DRS 4, car je supporte plus l'envers du décor, cet effet sombre et ce bruit en fond qui me stresse à cause du savon. La vie un coup de sabre, où on ressent pas le mal, on le subit. Et moi devant ma fenêtre, je me tais, je t'apprécie. Tu sais, ici les jeunes tombent en même temps que la nuit. Si nos histoires t'ennuient, tant pis, on fait que dire ce qu'on vit. Tu crois savoir comment c'est dur ici. Si tu savais vraiment, ignorant ce qu'on vit. Tu sais, ici les jeunes tombent en même temps que la nuit. Si nos histoires t'ennuient, tant pis, on fait que dire ce qu'on vit. L'amour nous course, sans prendre de caddie. Si tu savais vraiment, ignorant, le temps nous fuit. La plume écrit, moi j'percute de temps après. C'est un goût amer, mes vers pas vrai. C'est flou comme la brume, la brune. Nage-moi les burnes, je les ai à l'envers. Les thunes n'améliorent rien quand je suis lésé. Laissé à l'abandon par le courage. Mais je suis un homme, il faut que je me relève sans bâton, sans Samson, sans penser qu'autrui à la rage. Donc passons, les îlotages sont plus sujets premiers. Donc pensons au monde qu'on va laisser au bambin, Chico. La chance de pas lâcher de sourire. Rien au bout depuis l'époque de la petite souris. Ici quand les dents tombent, c'est que j'ai conscient qu'il faut en avoir bon sous lit. Ma mère combat mes flammes avec ses larmes. Mon fils avec l'urine, car c'est le seul mec qui me pisse dessus. Car c'est le seul mec qui prend le dessus, le seul qui me calme. Bonsoir la jeunesse de France, allons. J'ai la parole lourde et simple, malheur dans la bouche. La triste réalité, j'ai là ce qui te touche. La mélodie du drame, le chant de l'époque. La connerie humaine, ces blocs je gagne. Comme nos mères qui me font mouiller leurs pommettes. Car la lettre vient du bled ou des baumettes. Faut que je collecte les millimètres qui me mènent à mon maître. Le seul à pouvoir soigner ce mal-être. Qu'on se relève, collègue, qu'on lègue à nos fils la vision d'un homme honnête. Qui n'est pas à le voir du haut de nos fenêtres. Se mettre à semer des roses au lieu de chrysanthèmes. Car sous les larmes, l'espoir est une flamme qui peut s'éteindre. Tu sais, ici les jeunes tombent en même temps que la nuit. Si nos histoires t'ennuient, tant pis, on fait que dire ce qu'on vit. Tu crois savoir comment c'est dur ici. Si tu savais vraiment, ignorant ce qu'on vit. Tu sais, ici les jeunes tombent en même temps que la nuit. Si nos histoires t'ennuient, tant pis, on fait que dire ce qu'on vit. L'amour nous course, sans prendre de caddie. Si tu savais vraiment, ignorant, le temps nous fuit. Tu sais, ici les jeunes tombent en même temps que la nuit. Si nos histoires t'ennuient, tant pis, on fait que dire ce qu'on vit. Tu crois savoir comment c'est dur ici. Si tu savais vraiment, ignorant ce qu'on vit. Tu sais, ici les jeunes tombent en même temps.